la mixtape RAP. I gave you fair warning, beware. Mixtape RAP. Mixtape RAP. Mixtape RAP. Mixtape RAP. I gave you fair warning, beware. C'est sur un classique que je m'agite, que je reviens faire mébris mon beat rapé, mes rimes de spliff, du de spliff. Aujourd'hui, thérapie et rapé, écoute tes sois réceptifs. Y'a du tas, on reste actif, prends le message. Otage de mes pages, je monte les étages. Dive zéro en guise de promo. C'est qui? C'est 2M2O, micro gros. Je résiste et milite avec mes mots. J'observe, j'écoute tout activement, mal mes mots. Riposte légitime dans nos propos. Sous popo, on propose un peu sonomo. 2M, y'a également faute. Une démo, prends des montres que je démonte au pied dans mes pompes. La rime tombe en trombe sur le papier. Ça sent, oui, ça sent. Boum, les gars tombent, les gars tombent. Les sœurs sont dans le fond. On finira seul à se morfondre. La mort en fond, honneur à fond. À ceux qui foncent, on défonce. Moi je fonce et énonce mes réponses à travers des CD. Total arrache tape ou RAP. La TAT, rien à payer. On se libère sur le papier. On patiente pour que le maxi puisse éclater. DJ Trick à nos côtés pour scratcher. On vient cracher, clasher. Lâcher l'angle pour entacher. Un système encrassé, HNT. Nouvelle optique, la 151 pour s'exercer. De multiples exercices, on a faim. Moi et mon complice, on s'essaye sans cesse sur nos pistes. De multiples exercices, on a faim. Moi et mon complice, on s'essaye sans cesse sur nos pistes. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Elle est que nous puissions être dotés d'un pouvoir sans commune mesure. C'est notre clarté, pas nos zones d'ombre qui nous effraient. On n'apporte rien au monde en se dévalorisant. Il n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est, simplement pour rassurer les autres autour de nous. Nous sommes tous conçus pour briller, comme les enfants. Ce n'est pas donné qu'à quelques-uns, c'est en nous tous. En laissant briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres le pouvoir d'en faire autant. Si nous nous libérons de notre propre peur,